Vous êtes à l'écoute de Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Le 11 septembre dernier, Futur Simple recevait pour la première fois l'astrophysicien Jean René Roy. Il nous avait parlé d'une mission spatiale toute particulière qui avait débuté 10 ans auparavant, celle de la sonde Rosetta, qui avait été envoyée dans l'espace pour explorer la comète Churyumov-Gerasimenko ou la comète 67P. En août dernier, la sonde entrait en orbite autour de la comète, mais depuis, un atterrisseur s'est posé sur la comète et a commencé à prendre des mesures de toutes sortes. Alors, pour faire le point sur le développement qu'a connu cette mission, je reçois Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Jean-René, le 12 novembre dernier, la sonde Rosetta, qui était en orbite autour de la comète, a envoyé un module d'atterrissage, Philae, qui s'est posé sur la comète, mais l'atterrissage de Philae a connu plusieurs difficultés qui ont failli mettre en péril la mission spatiale. Pourriez-vous nous expliquer comment devait se dérouler l'atterrissage de Philae et qu'est-ce qui a mal tourné? Donc, Philae est un petit robot qui s'est détaché de Rosetta, le vaisseau spatial principal, qui est toujours en orbite autour de Rosetta. Et Philae s'est détaché alors que Rosetta est à environ une trentaine de kilomètres en altitude, toujours en orbite. Et on avait prévu que ça allait être un petit peu difficile d'atterrir sur un objet tout petit, que si peu de gravité. Et on avait finalement équipé Philae de harpons. Pour au moment de toucher la surface des harpons, ce serait déclenché par de petits explosifs et aurait ancré la sonde. Et les harpons n'ont pas fonctionné. Uh-huh. Donc, Philae a littéralement rebondi au moins une fois un bond qui a duré 1 heure et demie. Uh-huh. D'accord? Parce qu'il faut s'imaginer que la gravité est très faible. Et retombé a rebondi une autre fois pour finalement se retrouver dans une crevasse avec très peu de lumière, de sorte que Philae n'a fonctionné que pendant quelque chose comme quelques trentaines d'heures. Il y avait pas aussi une espèce de dispositif à gaz froid qui a pas fonctionné non plus, qui devait il devait y mettre des gaz par le plafond de pour faire une pression vers le bas aussi. Il est possible, mais ce mécanisme-là n'était pas un mécanisme que je pense être crucial comme les harpons devaient l'être et qui permettait d'accrocher. Donc l'espoir est qu'au fur et à mesure que la comète qui tourne autour du Soleil et maintenant sur son orbite et s'approche de son point le plus proche du Soleil, le Périhélie, atteint au mois d'août. On espère que dans les prochaines semaines, que la région de la comète où on pense être située Philae recevra plus de lumière et pourra permettre de réveiller Philae et de le remettre en marche. Mais d'autre part, Rosetta nous révèle beaucoup d'informations et on a eu quand même suffisamment d'informations de Philae pour avoir des résultats préliminaires. Et comme vous disiez, effectivement, la descente s'est faite pendant, je pense, 7 heures, je pense. Oui, ça a pris à une vitesse vraiment très, très lente. Et Philae n'avait pas non plus de dispositif, je pense, aussi pour faire des corrections dans sa trajectoire. Non, c'était une... on avait assez bien visé. Et le site, d'ailleurs, on a pris des photos et on voit un peu l'empreinte de l'impact Philae. Très bien, on sait exactement où il est allé, à peu près. C'était un très bel endroit, très éclairé. Et c'est dommage que, finalement, l'accrochage n'ait pas eu lieu. Ah, oui, c'est un fait, parce que, comme vous dites, il a rebondi. Je pense qu'il a rebondi à 1 kilomètre de hauteur, d'après ce que... Oh, probablement encore plus, oui. Ah, c'est incroyable. Oui. Et finalement, il a fini sur une paroi rocheuse, c'est ça, je crois. Donc, pour comprendre un peu ce qui se passe, maintenant, on a mesuré on avait une idée un peu de la masse, mais jamais de façon aussi précise qu'avec Rosetta, qui est maintenant en orbite autour, et on a fait ça de façon délicate, parce qu'on ne connaissait pas tout à fait la masse et la vitesse qu'il fallait avoir pour s'y accrocher. Mais maintenant, avec les multiples orbites que Rosetta a fait, on sait que la masse de la comète est d'à peu près 10 milliards de tonnes. Okay. Donc, c'est un objet de 4 kilomètres. Et c'est pas beaucoup de matière. Si, la vitesse d'échappement est de 1 mètre par seconde. Donc, si vous marchiez si vous faisiez un pas sans faire attention, vous-même, vous décolleriez de la surface comme Philae et vous rentreriez en orbite autour de la comète. En faisant simplement un saut. Une marche. Bon, donc, okay. Il faudrait... En fait, ce serait bon d'avoir des souliers avant tout si on se promenait sur la comète. Et... En fait, après son atterrissage, les scientifiques s'aperçoivent aussi que Philae, comme vous l'avez dit, est un peu mal en point parce qu'il n'est pas tellement bien exposé au soleil. Et on s'aperçoit qu'il va y avoir un problème d'approvisionnement en énergie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'expériences scientifiques qui ont dû être compromises ou retardées étant donné les circonstances de l'atterrissage? En fait, oui, parce que on souhaitait que Philae soit actif pendant toute cette phase d'approche du soleil où la comète devient très active. Le chauffage du soleil la fait fondre, la fait sublimer, des jets d'eau de l'intérieur émanent et maintenant ils sont observés par Rosetta qui est suffisamment proche autour pour prendre des images, faire des analyses. Mais les analyses comme telles ont été faites très brièvement, on donne une grande priorité. Donc, on fait une analyse chimique. On a découvert des molécules de base de l'eau, du CO, monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, la neige carbonique et certains autres molécules simples qui sont des combinaisons d'oxygène et d'hydrogène, de carbone et d'hydrogène. Et d'autres résultats vont sûrement être publiés. Peut-être la grande déception, ça a été de ne pas pouvoir forer la croûte de la comète avec une petite foreuse dont était équipé Philae. Ça, on a essayé, mais on sait que ça n'a pas fonctionné jusqu'ici. Et ça aurait été pour analyser le sol, la comète? En fait, la surface, la comète est essentiellement faite de glace, sauf parce que la comète fait plusieurs passages. Le phénomène qui se passe, c'est un peu comme ici, au printemps, ce qui est en train de commencer, c'est qu'on a un gros tas de neige, mais il y a des débris, entre guillemets, au fur et à mesure, la couche de surface, la croûte de la comète ne contient plus beaucoup d'eau, mais simplement ces espèces de dépôts, de rocheux, même certaines débris organiques. C'est là qu'on y trouve certaines des molécules. Donc, la surface est relativement déshydratée. Et ça, on le croyait, mais là, on ne la mesure que la surface. Donc, quand on voit des jets... des débris qui sortent d'une comète, en fait, elles viennent plutôt de régions plus profondes, des petites poches qui explosent et qui dégazent et qui s'évaporent et se subliment. Donc, si je comprends bien, la comète, elle est grosso modo, c'est de la glace dont elle est constituée, mais finalement, sur le dessus, c'est un peu comme la neige en hiver. Exactement, au printemps, oui, oui, c'est ça. Exactement, parce que la comète, on ne sait pas depuis combien de temps elle orbite autour du Soleil. En moyenne, on évalue que les comètes qui ont des périodes dépendantes de leur orbite, mais ça peut être des périodes de l'ordre de la dizaine d'années ou de centaines d'années, en moyenne, une comète dépendant de la distance qu'elle se rapproche du Soleil, va faire en moyenne 50 passages et va, après 50 passages, tourner finalement à rien, va avoir tout perdu, ses glaces, ses poussières, tout va se dégazer. Ouais. Et est-ce que Philae a pu se mouvoir par la suite ou elle est restée dans sa... Non, elle est restée. On pense qu'elle est... on a identifié une zone. La comète fait à peu près 4 kilomètres. C'est la forme d'une grosse arachide en deux gros morceaux. Et on a à peu près identifié une région qui fait à peu près 300 mètres par 60 mètres où on est à peu près sûr que Philae est situé dans une zone ombragée, mais insuffisamment éclairée. Et d'ailleurs, on est à peu près sûr qu'elle est là, que Philae est là, okay. Et on n'essaie plus de chercher. On a fait beaucoup de mal. Et un coup, ça va se réveiller. Et est-ce qu'on peut l'apercevoir de la... Non, on ne voit pas de Rosetta. Absolument pas. Ce qu'on a, on a eu des images envoyées par Philae pendant ces quelques heures d'arrivée. Et on peut voir même des morceaux de Philae qui sont partiellement éclairés, mais évidemment, on savait dès le départ qu'elle ne recevait pas suffisamment de soleil. Dans une crevasse partiellement éclairée, on sait qu'elle est probablement par rapport, si on peut définir une surface sur cette grosse arachide, Philae est probablement comme sur le côté. Okay. Une patte en l'air de ses trois pattes. Donc, peut-être plus ou moins bien fonctionnel. Les autres appareils ont bien fonctionné. Si on réussit, si la comète évolue et l'éclairage est tel que le soleil y parvient, ce sont des panneaux solaires, elle pourra se remettre en marche. Parce qu'effectivement, est-ce que lorsque la comète va s'approcher finalement du soleil en août prochain, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de dégazage, est-ce que ça pourrait effectivement la libérer un peu? Oui, en fait, certains même souhaitent que peut-être passe, une poche qui explose en dessous, mais le danger, c'est qu'elle prenne le chemin de l'espace avec le reste périhélié au mois d'août. On pourrait imaginer que vers les mois de mai jusqu'au mois d'octobre, la comète va être très active et c'est là qu'on aura la plus grande probabilité que Philae se dégèle. Mm-hmm. Alors présentement, si je comprends bien, elle est en dormance. Oui, absolument. Je l'ai complètement. En attente du soleil. C'est comme imaginer, c'est comme si finalement la température chutait à moins 80 degrés ici, votre voiture serait bien en dormance. Bon, alors revenons un peu au cœur d'émission, Jean-René. On est là pour mesurer quoi quand on envoie finalement une sonde sur une comète? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que la physique s'intéresse de savoir? On fait quoi avec... Il y a eu un certain nombre de missions qui ont frôlé des comètes. Et même une qui a envoyé une espèce de petit obus qui a fait éclater la surface et on a analysé les débris. La mission Deep Impact en 2005. C'est la première fois qu'on a une mission où le vaisseau principal entre en orbite et suit la comète pendant probablement quelques années, surtout au moment où elle va s'approcher le plus du Soleil. Et on avait l'espoir d'un robot déposé à la surface, qui est absolument unique et fantastique comme expérience. La raison pour laquelle on voulait avoir une analyse in situ de la comète, c'est que les comètes représentent probablement les matériaux les plus proches de ce qui était à l'origine, les matériaux qui ont formé le Soleil, notre étoile, les planètes et leurs satellites naturels. Donc, on est un peu comme retrouver le mortier et la brique originale, sans qu'il y ait eu une transformation de ces matériaux par le chauffage de la jeune étoile, de notre jeune étoile, le Soleil, il y a 4 milliards d'années, sans qu'il y ait eu les forces de compression, etc. et tout. Pourquoi? Parce que ce matériel qui était dans les régions intérieures du système solaire a été soit concentré, reprocessé, assemblé dans des objets, le Soleil et les planètes. Donc, le matériel a été transformé, c'est la roche qu'on voit autour, c'est toutes sortes de matériaux, les gaz qui entourent, qui sont dans notre atmosphère, etc. Et il est resté seulement à de très grandes distances de ces débris qui n'ont pas pu faire de planète. Donc, c'est comme les miettes qui sont tombées de la table, qui n'ont jamais servi à faire le pain. Et ces débris sont dans une grande coquille qui est située à peu près 30 fois plus loin que la planète la plus lointaine qu'on connaisse, la planète mineure Pluton. Donc, c'est au-delà une coquille qu'on appelle le nuage de Oort, du nom des deux astronomes qui l'ont découvert. Il y a à peu près, on évalue à peu près qu'il y aurait 100 milliards de ces corps restants de l'ordre du kilomètre à une dizaine de kilomètres de diamètre. Et de temps en temps, un de ceux-là nous tombe dessus et capturé un peu à l'intérieur du système solaire, surtout grâce à l'influence de Jupiter. Donc, c'est l'idée de pouvoir toucher, de pouvoir analyser le matériel qui a servi à fabriquer le Soleil, les planètes et nous-mêmes. OK, je comprends. Donc, d'où l'importance, effectivement. Oui, l'importance, c'est vraiment le matériau primordial qu'on veut atteindre. Généralement, on pouvait l'observer de loin. Les comètes ont toujours été ces objets mystérieux qu'on a compris de mieux en mieux. Et par inférence, on a réalisé, oui, c'était les débris. Ils nous viennent de très loin. Ils n'ont jamais été processés à l'intérieur. Ils sont vraiment du matériel vierge de l'origine. Mais j'imagine qu'à chaque passage de la comète vers le Soleil, il y a une perte peut-être? Oui, il y a une perte considérable. Okay. En fait, disons que je disais, ça veut dire que si 50 passages, ça veut dire que chaque passage, la comète perd 2% de sa masse. Mm-hmm. Et pour revenir à Rosetta, bon, on sait que Philae est en dormance. Rosetta, elle, n'est pas en dormance. Non. Elle tourne encore autour. Ah oui, elle tourne. Et on, est-ce qu'elle est encore active? Ah oui, oui. Rosetta prend des images, des mesures avec toutes sortes d'instruments. Et au début, je ne sais pas quelle est la distance de Rosetta. Si vous voulez suivre, il y a le site de l'Agence européenne de l'espace. Donc, faites avec votre moteur de recherche ESA pour European uh-huh. Space Agency, Rosetta. Et vous allez avoir les détails. Donc, Rosetta, on joue un peu, c'est assez facile. On fait en sorte qu'elle vient plus proche de la comète pour prendre des images avec plus haute résolution. Et là, on a eu tendance à l'éloigner un peu parce qu'au fur et à mesure que la comète s'approche du Soleil, elle lâche des morceaux, ah ben oui. des débris, et okay. on veut éviter qu'il y ait une collision. Ah, donc, bon, on a okay. déjà été un peu malchanceux, on ne va pas l'être une seconde fois. Oui, donc, Rosetta, il est probable qu'elle soit remontée à peu près à 30 km au-dessus de ce bloc qui fait, okay. comme je le rappelle, à peu près 4 km de côté. Et qu'est-ce qui va se passer en fait dans le coin du 13 août prochain lorsque la comète va arriver proche du Soleil, à son ouais. point le plus proche du Soleil, parce que là, il va y avoir beaucoup de dégazage. Est-ce que c'est un événement important, ça, qui livre beaucoup de secrets? Oui, exactement. Et la phase de dégazage va se passer avant et après. C'est ça. C'est un... Mais, ouais, maximal, mais ça va s'amplifier, comme je le disais un peu plus tôt. Ça va commencer... ça a déjà commencé. On a des images de Rosetta qui montrent ce dégazage uh-huh. assez impressionnant. Et au fur et à mesure, ça va s'intensifier. Et d'ailleurs, on a la latitude d'éloigner, parce que la gravité n'est pas tellement forte. On peut jouer avec des petites fusées et de permettre à Rosetta un peu de se retirer, toujours en restant en orbite et en observant le feu d'artifice. OK. Alors, je pense que c'est vraiment beau. On pourrait peut-être passer maintenant à une autre. On a parlé beaucoup de Rosetta. On va maintenant s'intéresser à la mission Dawn. Dawn est une autre sonde spatiale qui a été lancée en 2007 pour étudier Vesta et Cérès. Ce sont les deux principaux corps se trouvant dans la ceinture des astéroïdes. Alors, Dawn a déjà visité Vesta, mais est présentement en orbite autour de Cérès depuis quelques jours. Et Dawn étudiera Cérès pendant à peu près les 10 prochains mois jusqu'à épuisement des batteries. Alors, Jean-René, pourquoi s'intéresse-t-on à ces deux astéroïdes, et plus particulièrement Cérès? Ouais. Cérès, c'est, vous le mentionnez, donc la ceinture des astéroïdes, c'est une ceinture de corps rocheux, uh-huh. contrairement aux comètes qui sont des corps de glace, uh-huh. essentiellement. Donc, Cérès est dominé par la pierre, un peu comme on voit autour de nous, sauf, comme on va le voir, qu'on suspecte une grande présence de glace et probablement d'eau même à l'intérieur de Cérès. Cérès est connue depuis 1801, ayant été découverte par un astronome italien, et qui a cru à l'époque qu'il venait de découvrir une nouvelle planète, mais on a montré que c'était un peu petit pour l'appeler une planète. Et là, Cérès a 950 km de diamètre. Oh. Mais suffisamment massif et tout pour avoir une forme sphérique. Par comparaison, la Lune a 3000 km de diamètre, la Terre a 10 000 km de diamètre. Ouais, okay. Donc, on a un objet qui est 1000 fois plus petit que la Terre en volume et en masse. Et Cérès, quand même, reste important parce que c'est le plus gros des astéroïdes. Et il fait partie d'une plus grande famille qu'on appelle les planètes mineures, auxquelles appartiennent, par exemple, Pluton et plusieurs okay. objets qu'on appelle transneptuniens, dont on pourra parler dans une émission future. Donc, Cérès présente pas mal d'intérêt parce que c'est le plus gros des astéroïdes, le deuxième est Vesta, que la mission Dawn a visité il y a quelques années, 450 km de diamètre. La raison d'étudier les astéroïdes, plutôt que d'aller y voir le matériau primitif, on veut justement explorer ce qui est de matériaux qui a commencé à être processé par les forces de pression à l'intérieur du système solaire, les forces de collision, les forces d'assemblage, donc qui peuvent être en fait les briques qui ont servi à former les planètes, mais le plus gros que ça a formé, ça a été Cérès. Donc là, on veut comprendre, en fait, comment s'assemble une planète. Et entre autres, dans le cas de Cérès, c'est qu'on veut comprendre aussi une propriété qui est justement là. Est-ce qu'il y a beaucoup d'eau dans Cérès? Parce que une chose que je veux revenir à un des résultats très importants qui est ressorti de l'analyse faite par Rosetta et par Philae, c'est qu'il y a de l'eau sur la comète. En delà, on la voit sortir des poches plus profondes, on l'a analysée. Et cette eau est composée de façon différente de l'eau terrestre. Ah, OK, pas la même signature. Pas la même signature. L'eau des comètes a beaucoup plus de son hydrogène sous forme de l'isotope lourd qu'on appelle deutérium. Donc, en fait, trois fois plus l'eau des comètes, l'eau de 67P, uh-huh, est trois fois plus riche en deutérium que l'eau de nos océans. Okay. Donc, tout de suite, on peut éliminer l'hypothèse que l'eau de nos océans, l'eau de la Terre, proviendrait de comètes semblables, uh-huh, à... Parce qu'on parlait que l'origine de l'eau sur Terre, parce que l'eau, oui, est disparue quand la planète, uh-huh, s'est formée, il a fallu l'acquérir plus tard. Les comètes auraient pu être une source. Maintenant, on élimine. Okay. L'autre source, maintenant, qu'on suspecte, ce sont des astéroïdes. Ah bon, OK. Donc, des objets de la grande famille où se situent Cérès et Vesta. Et est-ce qu'il pourrait y avoir de l'eau sur, oui, Cérès? Oui, exactement. Et on a trouvé des indices que les astéroïdes avaient de l'eau, que même certains petits astéroïdes semblaient être des comètes déguisées. Parce que, okay, de temps en temps, et moi j'étais justement à l'Observatoire de Gemini, parce qu'une équipe de chercheurs de l'Université d'Hawaï a trouvé des espèces de sosies de comètes, des petits astéroïdes de temps en temps qui lâchaient des traînées d'eau. Des queues. Il y avait des queues comme des queues de comètes, mais c'était pas des comètes, c'était des astéroïdes. Donc, dans le cas de Cérès et de Vesta, ce qu'on suspecte, c'est qu'elles auraient la capacité de garder, de former de plus grands réservoirs d'eau. Donc, une des choses, c'est qu'on veut trouver évidence de glace sur Cérès, en étant plus proche. Et ça, c'est par observation, parce qu'on n'a pas envoyé d'atterrisseur? Non, exactement. Ce sera par des observations, par les façons de faire de la spectroscopie, analyser la surface de façon très proche, et de voir... Il y a des moyens de faire une analyse à distance et de comprendre la composition comme telle. Sauf que, ouais, pour les astéroïdes, on connaît assez bien, parce qu'ils nous en tombent dessus, les météorites qu'on retrouve sur Terre, qui rentrent dans l'atmosphère, viennent généralement de la ceinture des astéroïdes. Et on a aussi une composition en eau, et de façon fort indicative, l'eau des astéroïdes a la même composition... isotopique. Isotopique, donc le même rapport de deutérium à hydrogène que l'eau terrestre. Donc... Okay. Donc, on a une piste là qui semble prometteuse pour l'origine de l'eau sur Terre. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette mission-là pour qu'on arrive à le prouver? Moi, je pense que les premières images ont révélé des petits points blancs, des taches blanches. Okay. Et tout de suite, moi, je suis pas expert et tout, mais ma prédiction, c'est que ce sera possiblement des ondes ou qu'il y a eu un impact récent qui a mis à jour des couches plus profondes, entre guillemets, pas tellement plus profondes, qui auraient des glaces, ou encore de façon qui serait plus intéressante pour moi, ce sont des zones où il y a des geysers, qui a une sorte de cryovolcanisme, sauf que c'est difficile d'imaginer le mécanisme qui générerait l'énergie interne, à part l'impact de d'autres petits astéroïdes qui tombent sur Cérès. Et puis, je pense que la sonde va se rapprocher aussi, je pense, de Cérès. Hein? Il est possible qu'ils aient, là aussi, encore une fois, un certain jeu pour modifier l'orbite, pour voir de proche et de loin, absolument. Ouais. On aura certainement l'occasion de se reparler de tout ça, en fait, de ce que va nous livrer cette mission pendant les 10 prochains mois. Alors, Jean-René Roy, merci d'être venu partager tout ça avec nous. On se retrouve dans 4 semaines. Et nous allons faire une courte pause publicitaire et on vous revient avec Philippe Saint-Germain.